Le journal internet sud-coréen La Voix du Peuple a demandé le premier courant dans son éditorial les éclaircissements du dessous de l'accord avec le Japon sur le problème d'esclavage sexuel au service de l'ancienne armée japonaise.